je peux pardonner, mais seulement je ne peux pas oublier. Prends l'Ovès, échantillon, pièce unique. C'est Manone, Inona Bakala, Nancy Membano et Tomoto, Oala Wasawae. C'est Manone, Omoya Bemune, Obe, Webiambae. C'est Manone, Omoya Baloe. Même si tu m'as menti, la inutile de t'en aller, oh, on ne l'aime pas. Même si tu m'as blessé, la inutile de t'en aller, oh, on ne l'aime pas. Même si tu m'as trahi, la inutile de t'en aller, oh, on ne l'aime pas. Même si tu m'as blagué, la inutile de t'en aller, oh, on ne l'aime pas. Abidjan, échantillon, pièce unique, en l'Ovès. L'échec n'est pas la fin d'une vie, on peut toujours recommencer, n'est-ce pas? Mireille Toudi, à Yaoundé. Dieu, c'est moi, mon volant, et non, pas.